Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brayer-Retaux. Markem d'anarchive.org d'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 2. La première douleur, prophétie de Saint Siméon. Il sembla que nulle part, dans l'Ancien Testament, nous n'approchions si près de Dieu que dans le livre de Job. Nulle part, il n'est d'une façon plus terrible enveloppé de mystère, nulle part, il n'est plus redoutable dans ses conseils touchant les enfants des hommes, et cependant nulle part il n'est plus clairement et plus tendrement notre Père. C'est parce que ce livre décrit le mystère de la souffrance qu'il est si humain et qu'il semble nous conduire si loin dans les choses divines. C'est parce que cette souffrance est l'épreuve extrême de la créature, que celle-ci s'y repose plus complètement dans les bras du Créateur. Les calamités de Job sont, à l'Ancien Testament, ce que la passion de notre Seigneur est au Nouveau, et l'un a été à dessein l'ombre de l'autre. En parlant des douleurs de la Sainte Vierge, nous nous rappelons la touchante peinture des amis de Job quand ils apprirent ses afflictions et vinrent le visiter. Mais, ayant de loin levé leurs yeux, ils ne le reconnurent point, et ayant jeté un grand cri, ils pleurèrent, ils déchirèrent leurs vêtements, ils jetèrent de la poussière en l'air pour la faire retomber sur leur tête, et ils demeurèrent assis à terre, avec lui, pendant 7 jours et 7 nuits, et nul d'eux ne lui dit aucune parole, car il voyait que sa douleur était extrême. Il savait que le silence est la meilleure consolation. Il n'y avait rien qui pût toucher autant le cœur de l'affligé que de voir ses amis apprécier l'excès de sa détresse. Quand enfin ils parlèrent, alors ils irritèrent, le charme de leur douce et silencieuse présence avait disparu. La sympathie dégénéra en discussion, une discussion qui ne pouvait amener de conviction devait nécessairement finir par des reproches. Ils s'enveloppèrent plus que Job lui-même dans de maladroites sentences. Mais le silence des amis de Job était encore moins merveilleux que le silence de Jésus sur la croix, car la profonde souffrance de Jésus était un martyre intérieur et distinct. À cause des douleurs de sa mère, il ne lui dit pas une parole, excepté celle par laquelle il la confia à Saint Jean. Pas une maxime de la sagesse céleste, pas une expression de tendresse filiale, rien qui témoigna que Jésus voyait et qu'il sentait les souffrances de sa mère. Aucune bénédiction pleine de grâce et de force ne vint frapper l'oreille de Marie pendant que le Sauveur était suspendu à la croix. En vérité, elle n'en avait pas besoin. Elle voyait le cœur de Jésus, elle comprenait son Fils. Elle était en ce temps merveilleusement accoutumée aux voix de Dieu. Le silence de Jésus était la manifestation de son respect pour les douleurs maternelles. De même que le silence de Marie était la magnificence des souffrances qu'elle endurait. Le silence était en effet, une chose merveilleuse chez Jésus et Marie. Ce fut presque le seul entretien qu'ils eurent ensemble pendant 33 ans. Mais le silence de Jésus était le silence d'un cœur plein, et c'est comme une part de cette plénitude que nous devons lui demander quand nous méditons sur les douleurs de Marie. Nous ne pouvons pas y penser convenablement, à moins qu'il ne daigne nous aider à atteindre à la vérité. Tout ce que nous demandons est une étincelle du feu qui brûlait en Jésus durant 16 heures silencieuses. Une étincelle serait suffisante pour incendier nos cœurs et nous consumer de l'amour le plus vif pour le reste de nos jours mortels. Lui qui est notre modèle en tout le reste doit aussi l'être dans sa sympathie avec Marie. Comme dans tout le reste de la sainteté, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne la dévotion à la Sainte Vierge et par ses préceptes et par ses exemples. 40 jours s'étaient écoulés depuis la nuit où les anges avaient fait entendre leur chant. Pendant ce temps, la Marie et Joseph étaient entrés profondément dans les mystères divins. Les bergers avaient adoré l'enfant nouveau-né. Les trois rois avaient déposé leurs offrandes mystiques à ses pieds et la nouvelle étoile s'était effacée dans la splendeur nocturne des cieux. Le monde avait poursuivi sa route comme à l'ordinaire. Il y avait, chaque matin, des nouvelles politiques à Rome, chaque matin des discussions philosophiques dans les écoles d'Athènes. Les caravanes allaient et venaient par les portes de la ville blanche de Damas, et le soleil brillait sur les sinuosités de l'Oronte à Antioche. Les officiers impériaux préparaient leur registre et leur liste à Bethléem, et Joseph et Marie n'étaient que des unités dans le compte des taxes provinciales. Suivant le cours ordinaire des choses et conformément à la loi, le 1er janvier, Jésus, pour la première fois, avait versé son sang. Combien d'événements s'étaient passés depuis le 25 décembre? Depuis ce jour-là, le Créateur était visible dans sa propre création, quoique ce fût presque sous terre, dans une sorte de grotte ou d'étable naturelle. Le deuxième jour de février était arrivé. Joseph et Marie, avec l'enfant, quittent le lieu où ces 40 jours s'étaient envolés aussi rapidement qu'une vision céleste. Ils tournent autour de la lisière de la colline étroite sur laquelle est bâtie la cité. Les vignes taillées qui couvrent les coteaux escarpés ont à peine commencé à verser leurs larmes printanières par la blessure que leur a faite le couteau du vigneron. Mais les champs de blé ou rude glanent à son vert, et le soleil brillant d'un printemps précoce luit sur les roches grises qui avoisinent la tombe de Rachel. On aperçoit les toits de la Sainte Cité avec le glorieux temple qui brille au-dessus de tout ce qui l'entoure. C'est vers ce temple, son propre temple, que se dirigeait l'enfant Dieu, devenu visible aux hommes. Marie avait passé 12 années de son innocente vie dans les dépendances du temple. Là, elle avait extérieurement consacré à Dieu sa virginité, qu'elle lui avait vouée dès le premier moment de son immaculée conception. Là, elle avait médité sur les saintes écritures et appris les secrets du Messie. Elle revenait au temple vierge encore, et pourtant, au mystère de grâce, elle y revenait mère avec son enfant. Elle venait pour être purifiée, elle qui était plus pure que la neige du Liban que n'a foulé le pied d'aucun être vivant. Elle venait présenter son enfant à Dieu, et faire au Créateur ce dont aucune créature n'était capable. Un don parfaitement égal à lui-même. Quand le second temple fut bâti, les anciens du peuple élevèrent leur voix et pleurèrent, parce que sa gloire n'était pas égale à la gloire du premier. Mais le premier temple n'avait jamais vu un jour comme celui qui commençait maintenant à poindre sur le temple d'Hérode. La gloire du Saint des Saints n'était qu'un symbole de la gloire réelle que Marie portait alors au temple dans ses bras. Mais elle avait deux offrandes avec elle. Elle en portait une et Joseph l'autre. Marie portait son enfant, et Joseph portait la paire de tourterelles ou de jeunes colombes pour la purification plusieurs lévires passées. Mais il n'y avait rien de singulier en eux. Rien qui pût attirer particulièrement les regards de ceux qui les voyaient. Il en est toujours ainsi là où Dieu se trouve. Maintenant qu'il est visible, il est en vérité, aussi invisible qu'il fût jamais, excepté, pour la foi et l'amour. D'autres personnes s'approchaient du temple pour les sacrifices du matin. Parmi elles se trouvait le vieillard Siméon dont les fleurs du tombeau couronnaient la tête vénérable. Il avait survécu à ses propres jours ainsi, qu'aux hommes, aux choses, aux sympathies, aux associations de son temps. Il n'avait aucun rapport avec l'esprit de l'époque. Il était supérieur à la veine politique de ce temps. Il ne prenait aucune part aux luttes et aux disputes des pharisiens et des sadducéens. Le monde lui semblait devenir de jour en jour plus pervers et plus insupportable, c'était un séjour de moins en moins hospitalier pour lui, de moins en moins tolérable pour l'âme fatiguée. Mais il y avait une chose qu'il lui tardait de voir depuis longtemps. Il désirait que le ciel fût différé pour lui, pourvu qu'il pût jouir de cette vue sur la terre, pourvu qu'il pût voir le Christ. Dieu lui avait promis qu'il en serait ainsi. Il avait reçu du Saint-Esprit la promesse qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir contemplé le Christ du Seigneur. Il venait ce jour-là au sacrifice du matin. Y venait-il avec une prévision claire, ou avec de spirituels pressentiments, ou avec un feu extraordinaire dans le cœur? Qui pourrait le dire? Il y avait encore, ce matin-là, dans le temple, une autre personne, une veuve âgée de 84 ans, la fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle avait quitté jadis les oliviers de la plaine d'Acre, et les bords de la mer occidentale. L'esprit de prophétie demeurait en elle. Elle n'avait pas besoin de venir au temple, car elle ne le quittait jamais, servant Dieu nuit et jour avec des jeûnes et des prières. Marie et Joseph viennent d'entrer avec l'enfant. Quel préparatif Dieu n'a-t-il pas daigné faire pour cette solennité dans le temple, le deuxième jour de février? Que de grâces ont été accordées au vieillard Siméon pour le sanctifier. Quelles longues années d'austérité Anne n'a-t-elle pas vécues? À quelle hauteur ses prières ne se sont-elles pas élevées? Il s'est fait plus de travail dans l'âme de Joseph qu'il n'y en avait eu dans la création du monde. Marie est le trophée d'élite de la divine magnificence. Des volumes de commentaires ont été écrits sur ses dons, ses grâces et sa beauté intérieure, et cependant combien peu en savons-nous? Puis, voici le Verbe incarné que les anges silencieux du temple adorent avec crainte et tremblement, lorsqu'il franchit le seuil de sa maison terrestre. N'y avait-il pas d'éclair dans l'œil de l'enfant, quand il prit possession de son temple? Les lumières ne s'éteignirent-elles pas dans le Saint des Saints, alors que le Saint par excellence était de l'autre côté du voile, siégeant royalement, comme sur un trône, dans les bras d'une mère mortelle? Marie fit ses offrandes, et accomplit tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur. Car l'Esprit de Jésus était un esprit d'obéissance, et, quoique l'éclat d'une innocence angélique parût sombre à côté de la blancheur de la pureté de Marie, elle obéit à la loi de Dieu dans la cérémonie de la purification, et avec d'autant plus d'empressement que cette cérémonie servait à cacher les grâces qu'elle avait reçues. Mais elle portait aussi dans ses bras la vraie tourterelle, afin d'agir pour Jésus, suivant la coutume de la loi. Elle plaça Jésus dans les bras du vieux prêtre Siméon, comme elle l'a fait depuis en vision à tant de saints, et une lumière extraordinaire brilla dans l'âme de Siméon. Affaibli par l'âge, il entoure son Dieu de ses bras. Il porte tout le poids de son Créateur, et cependant il ne fléchit pas. La vue du visage de cet enfant n'était rien moins que la gloire des cieux. Le Saint-Esprit avait tenu sa promesse. Siméon voyait et tenait même en ce moment dans ses bras le Christ du Seigneur. Bienheureux prêtre affaibli, épuisé par l'âge, fatigué par les longues années, pendant lesquelles tu as attendu la consolation d'Israël, prolongeant ta vie dans des jours qui n'étaient pas en harmonie avec ton esprit. Comme il en fut, après toi, pour Saint Jean l'Évangéliste, assurément celui qui te créa, celui qui doit bientôt te juger, celui que tu entoures si tendrement de tes bras doit avoir envoyé la force de sa toute-puissance dans ton cœur. Autrement tu n'aurais jamais pu supporter le déluge de joie qui, Dans ce moment, inonda ton esprit. Regarde-le encore. Vois ces lèvres vermeilles qui prononceront dans si peu de temps ta sentence de vie éternelle. Allume ton cœur au feu de ses petits yeux. C'est le Christ. Que de prophéties s'accomplissent en ce moment. C'est à présent que l'histoire du monde trouve son accomplissement. La couronne est placée sur la création, ce que des patriarches, des rois et des prophètes ont pendant tant de siècles désiré voir, c'était, après tout, la beauté de ce visage d'enfant. Tu as vu le Christ. Tout est dans ce mot. Cette vue était le ciel. La terre n'a plus rien à faire avec toi. Elle ferait bien de se dérober soudain sous tes pieds, et de te laisser tomber dans le sein du Dieu infini. Ton Père est celui de ce Fils unique dont la beauté peut te faire mourir de la plus douce et de la plus belle des morts. Il est pénible pour Siméon de se séparer du doux fardeau qu'il porte. Dans cette extrême vieillesse, les souffles de l'inspiration remplissent son âme, et, au milieu du silence du temple, il chante son Nunc Dimittis. Comme Zacharie avait chanté son Benedictus, et Marie, son Magnificat. Tous les siècles répéteront ce cantique, qui renferme toute la poésie chrétienne de l'âme fatiguée de la vie. Il donne une voix au détachement céleste et à la sainteté des innombrables élus. Pour les cœurs de millions de fidèles, c'est la lumière du soir après les heures laborieuses du jour. Les dernières compliquent que l'Église doit chanter avant la nuit qui verra le jugement commencer et apparaître le Seigneur du côté des feux de l'Orient, seront remplies de la suavité mélodieuse du tendre cantique de Siméon. Joseph même fut alors ravi dans une extase de sainte admiration. Marie s'émerveilla des paroles si profondes, si belles, si vraies de Siméon, car elle savait mieux que personne que son enfant était réellement la lumière du monde. Quand elle s'agenouilla, dans son humilité, pour recevoir la bénédiction du vieux prêtre, celui-ci avait-il encore Jésus dans ses bras, et faisait-il au-dessus d'elle, avec l'enfant, le signe de la croix, comme bénédiction chrétienne, ou Marie avait-elle Jésus dans ses bras, le tenant au pied de sa propre créature pour recevoir une bénédiction? Quoi qu'il en ait été, quel merveilleux mystère! Mais quelle étrange bénédiction pour toi, heureuse Mère Immaculée, car voici une poésie de Siméon bien différente des éclats de lumière qu'il faisait jaillir tout à l'heure. Voici d'autres sons pour l'oreille des Maries, les sons terribles de la sombre prophétie que le Saint-Esprit inspire au vieux prêtre, et nous penserions volontiers que Siméon tenait Jésus dans ses bras, quand il la prononça, à cause de la manière même dont il commence. Cet enfant est né pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs en Israël, et pour être en butte à la contradiction. Une épée transpercera ton âme, afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Siméon gardait le silence, mais il se fit un changement inexprimable dans l'âme de Marie. Peut-être apprit-elle alors ce qu'elle n'avait pas su auparavant, mais il est plus probable que cette connaissance lui vint seulement d'une autre manière. Cependant, c'était un changement, une opération de la grâce, une nouvelle sanctification, une œuvre immense de Dieu. Une vision claire et détaillée de toutes ses douleurs, spécialement de la passion tout entière, avec ses moindres circonstances, se grava instantanément dans son âme, et son cœur immaculé fut comme inondé d'une mer d'afflictions surnaturelles tout à la fois par leur nature et par leur intensité. Il semblait que cette vision vint du visage même de Jésus, dont le regard pénétrant gravait dans l'âme de Marie la terrible apparition. Elle vit le propre cœur de Jésus s'envoile avec toutes ses dispositions intérieures, C'était comme si le mystère de l'incarnation s'opérait encore en elle, mais d'une manière différente. Elle s'élevait à de nouvelles hauteurs de sainteté, et entrait dans une autre vaste région de son apanage, comme mère de Dieu. Elle était la même Marie, et cependant différente de celle qui, il n'y a qu'un instant, était entrée dans le temple. Mais il n'y eut pas de surprise dans ce changement prodigieux. Pas de tressaillement, pas de faible crainte, pas d'agitation d'esprit. Sa paix inébranlable devint plus calme à cause même du monde d'amertume qui y avait pénétré. La lumière du monde avait jailli dans ou dans les bras de Siméon, dans le champ de Siméon, puis était venue des ténèbres plus profondes, plus épaisses, plus palpables que celles d'Égypte. De la clarté du soleil de Bethléem, Marie se trouva tout à coup transportée au milieu des ombres de l'éclipse du calvaire, et elle demeura calme comme auparavant, avec une dignité sans étonnement, avec la tranquillité d'un amour inexprimable, avec la force de la plus divine union, malgré le glaive qui perçait son cœur brisé, et qui, après y être resté 48 ans, devait la faire mourir d'amour, lorsque Jésus l'arracherait de la blessure. Elle entendit Anne revenir dans le temple, et reconnaître Jésus comme son Dieu. Elle entendit les paroles que la vieille prophétesse dit sur lui à ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Marie fut attentive à ce que les moindres choses ordonnées par la loi fussent fidèlement accomplies, et alors avec Joseph et l'enfant, elle revint sur ses pas dans les vertes vallées de Galilée et dans les rues en pente rapide de la ville solitaire de Nazareth. Elle revint avec le glaive tranchant du Saint-Esprit dans son cœur. Depuis qu'elle avait quitté sa demeure, au mois de décembre, que de choses s'étaient passées. Mais le soleil couchant brille sur Nazareth et dore ses chaumières blanches, comme si rien n'était changé depuis le commencement. Oh que la nature invariable paraît cruelle à un cœur que le changement est venu frapper. Tel est le mystère de la première douleur de la Sainte Vierge. Passons maintenant à la considération de ses particularités. Le temps auquel cette douleur arriva, et l'action qui occupait alors Marie, sont également remarquables. Elle venait de faire à Dieu un don égal à lui-même. Jamais une telle offrande n'avait été faite depuis la création du monde, et il ne pourra jamais y en avoir une semblable, à moins de la recommencer. Par là, Marie avait surpassé toutes les adorations des anges, et elle savait bien qu'en rendant Jésus à son Père, elle se séparait de son Fils. Sa récompense fut immédiate, ce fut une inexprimable douleur pour toute sa vie, telles sont les voies de Dieu. La première douleur nous révèle l'un des principes les plus universels et les plus surnaturels qui caractérisent les rapports de Dieu avec les saints. Les afflictions terrestres sont les racines des joies célestes. Une croix est une couronne commencée. La souffrance est plus chère aux saints que le bonheur, à cause de la similitude qu'elle leur donne avec le Christ. Ils ont ses goûts, ses inclinations, ils sont altérés de souffrance, parce qu'ils se trouvent dans la souffrance quelque chose de favorable à leur union avec Dieu. La douleur éteint les lumières trompeuses du monde, et l'obscurité est la lumière par laquelle nous pouvons le mieux discerner Dieu spirituellement. D'ailleurs, l'immensité de la douleur, et la manière instantanée avec laquelle elle suivit l'oblation de Marie, fait voir l'éminente sainteté de notre Mère bien-aimée. Dieu proportionne la croix de Marie aux forces qu'elle avait pour la porter. Il n'y avait pas non plus de raison pour la différer, elle n'avait pas besoin de préparation ni d'une suite graduelle de grâce inférieure, ni d'échelle ascendante de croix moins grande. Tout un monde de douleurs aurait pu fondre sur Marie tout d'un coup. Elle était prête à les recevoir, plus ferme que les collines qui entourent Jérusalem. Oh, qui aurait jamais rêvé que le courage humain pût ressembler autant à la toute-puissance divine. À compter de ce moment, chaque action de Marie devint pour elle une souffrance, chaque source de joie, une fontaine d'amertume. Il n'y avait pas dans son âme de retraite où l'amertume ne pénétra. Chacun de ses regards sur Jésus, chaque mouvement du divin enfant, chaque parole qu'il prononçait, tout remuait, animait, étendait l'amertume qui était en elle. Le cours du temps même était amertume, car elle voyageait de Gethsémani et le calvaire amené par le fleuve qui s'approchait. Quelque naturelle ou accidentelle que fussent les postures et les attitudes dans lesquelles Marie voyait Jésus, elle y trouvait une ressemblance frappante avec les choses qui devaient arriver dans la Passion. C'était pour elle une étude constante de la Passion, un modèle qu'elle avait toujours sous les yeux. Quand un outil de charpentier pressait la paume de la main de Jésus, Marie entrevoyait la plaie du clou. Il lui semblait parfois que le front blanc de son enfant avait une couronne de taches pourprées là où les épines devaient être posées plus tard. Les poiriers épineux qui formaient les haies des jardins de Nazareth lui rappelaient toujours la couronne d'épines. La Passion était devenue, pour Marie, une inévitable vision. Elle était toujours devant elle. Elle ne pouvait en détourner les yeux. Elle ne pouvait regarder, ni à droite, ni à gauche, sans que l'apparition de ce soleil couchant, baigné dans une pourpre sanglante, vint remplir toute l'étendue de son horizon. Il n'y eut jamais une transformation si étrange de la vie. Chaque chose y était transformée en amertume, les joies les plus vives devenaient les chagrins les plus cuisants, et cette transformation s'opérait de la manière la plus parfaite lorsque le soleil brillait de son plus grand éclat, et que le cœur de la mère s'épanouissait à sa lumière et à sa chaleur vivifiante. Nous ne pourrions supporter pendant 5 minutes les souffrances que Marie endurait alors, et les siennes durèrent toute sa vie. Elle appartenait à la douleur, qui avait comme entraîné sa vie dans ses sombres eaux. La vie de Marie était cachée dans le cœur de Jésus, au milieu de formes obscures, d'ombres effrayantes, ses regards pénétraient dans d'horribles gouffres de péché, découvrant les tonnerres et les éclairs de la colère divine, la fureur des démons rebelles, des excès de cruautés humaines, et une vive image des instruments de la Passion. Mais la vie ordinaire devait toujours continuer son cours. Les devoirs ordinaires devaient toujours s'accomplir. Ni trêve, ni dispense n'étaient accordés à Marie. Il est rare que l'extrême pauvreté soit un abri, même contre le plus extrême chagrin. Et, dans sa vie, les difficultés de la pauvreté furent portées au dernier degré. Tout ce qu'elle pouvait épargner allait directement aux pauvres. Marie et Joseph étaient obligés de gagner leur vie. Et il fallut que Jésus partageât leur travail, quand il fut assez avancé en âge. Maintenant, réfléchissons, quand le chagrin nous est arrivé, pliant nos épaules sous le fait, quand un cher défunt gît défiguré dans le silence de la chambre mortuaire, nous essayons de nous agiter dans la maison comme de coutume, de donner nos ordres, de prendre ou de sembler prendre intérêt à une foule de choses, et de paraître calme. Cela réussit-il? N'est-ce pas justement ce qui brise le cœur plus que tout le reste? Oh, oui, nous préférerions rester en repos, nous voudrions que le globe cessât de tourner, et faire trêve complète avec tous les devoirs du monde. Jusqu'à ce que nous nous soyons reposés dans nos pleurs et qu'ensuite nous nous soyons relevés de nous-mêmes pour vaquer à nos occupations. Cependant, Dieu ne nous a touchés que du bout du doigt, tandis que ses deux mains, plus lourdes que 1000 mondes, tenait Marie abaissée dans la poussière. Cependant, elle ne s'exempta d'aucun devoir, elle mit aux choses ordinaires le même degré de zèle et d'attention qu'en pouvaient réclamer les choses les plus importantes. Elle paraissait occupée partout, attentive à tout, avec un esprit libre et dégagé. Elle allait tirer de l'eau au puits, elle nettoyait la maison, préparait les aliments, et filait le lin. Chaque chose était faite en son temps, et mise à sa place, mais le glaive était là à l'endroit le plus sensible du cœur. Il se remuait à chaque pas, et ses nerfs se contractaient, et tout son être frissonnait d'angoisse. Et cela ne dura pas seulement une semaine, jusqu'à ce que celui qui était mort fût inhumé, que l'herbe verte du tertre eût commencé à se balancer au-dessus, et que le temps, dans sa course, fit tomber de ses ailes la guérison sur l'âme que la douleur avait brûlée et desséchée. Au nom, celui que Marie venait de perdre ne fut jamais mis en terre. Il était là vivant devant elle, et c'était précisément sa vie, à lui, qui était pour elle une mort continuelle. Quelle vie, travailler, être active, recueillie, dévouée sous un fardeau aussi accablant, son chagrin était tout intérieur. Elle était obligée de renoncer à la satisfaction de l'épancher au dehors. Elle aurait paru avoir perdu la raison, et aurait été traitée de folle, si elle eût permis à son chagrin de se montrer. Ses pensées même avaient l'amertume de l'absinthe, mais il ne fallait pas qu'elle parlât. Qu'il aurait comprise, si elle eût parlé. Elle ne devait pas pleurer, à moins que ce ne fût en secret, et au milieu de la nuit, car pourquoi aurait-elle pleuré sans cause apparente? Elle avait la nourriture, le vêtement, elle avait Joseph pour époux, et Jésus pour fils. L'été arrivait, remplissant la fraîche vallée de verdure et d'abondance. Située loin des grandes routes, Nazareth était environnée de paix et de tranquillité. Pourquoi Marie s'attristerait-elle? La terre n'avait jamais vu un chagrin comme le sien, un chagrin aussi grand, un chagrin d'une telle nature. Le temps n'apportait point de soulagement à Marie. La vision était toujours présente à ses yeux dans sa fidélité terrible. Et c'était toujours la même vision. Il n'y avait même pas dans cette douleur la triste consolation qui résulte de la variété. Cette âme si grande pouvait évoquer à chaque instant toutes les impressions qu'elle avait jamais reçues, elle pouvait les voir sans cesse présentes en foule à son œil intérieur. Et il y avait en elle aussi peu de succession dans les idées que le comporte l'imperfection d'un esprit créé. Ainsi pour Marie le passé était le présent, l'avenir était un second présent, et le présent était un troisième présent. La grandeur de sa science se convertissait en un pouvoir incalculable de souffrir. La clarté de ses perceptions était comme une lame acérée dans sa chair et dans son âme. Il y avait quelque chose de terrible dans l'immutabilité, et, en un sens, dans l'infinité de la vision. Car l'habitude ne la lui rendait pas plus familière, au contraire, la vision devenait plus vive, son tranchant devenait plus affilé et plus pénétrant, il y avait une perpétuelle nouveauté dans cette uniformité d'image. Des abîmes s'ouvraient sans cesse à l'œil clairvoyant de son âme, comme les éclaircies qui se font dans une grosse nuée d'orage, et chacun de ces abîmes reculait les limites de sa faculté de souffrir beaucoup plus loin qu'auparavant. Qui peut penser que Marie ait pu éprouver quelque soulagement? L'imagination aurait-elle pu en suggérer quelqu'un? Aucun, aucun, la beauté de Jésus, nous le savons, poussait sans cesse le glaive de Siméon dans l'âme de la Sainte Vierge. C'était un marteau qui s'élevait et qui retombait presque à chaque pulsation des artères du Saint-Enfant. La lumière du monde traversait sans cesse la maison, mais, Chose étrange, elle jetait de terribles ombres sur Marie, elle qui en était le plus éclairée, et plus Marie se réjouissait, plus ses souffrances devenaient intolérables. Ainsi s'écoulaient ses jours à Nazareth et au milieu des splendides bazars d'Héliopolis. C'était une occupation suffisante pour Marie de penser à ses chagrins. C'était une cruelle distraction d'avoir à accomplir ses actions ordinaires et ses devoirs domestiques de tous les jours. Ne savons-nous pas par expérience que presque toutes les distractions sont cruelles, même lorsque l'intention de ceux qui nous les procurent est bonne? Nous aimerions mieux pleurer que de recevoir des consolations. Nous serions plutôt consolés, si ceux qui nous aiment voulaient seulement nous laisser méditer sur notre affliction pendant quelque temps. Mais Marie avait à s'occuper d'autres douleurs que des siennes, de douleurs qui non seulement causaient les siennes mais encore qui les absorbaient et qui les lui faisaient oublier au point de se les rappeler à peine. Les douleurs de Jésus. Cependant cela n'était pas un allègement aux maux de toute sa vie, au contraire, c'en était une aggravation. Chaque douleur en était ravivée comme par un double aiguillon, elle se doublait ainsi, et, en se répercutant comme un écho dans deux cœurs, elle les faisait souffrir tous les deux à la fois. Ce que Marie souffrait dans le cœur de Jésus surpassait de beaucoup ce qu'elle souffrait dans le sien. Et toute cette mystérieuse opération continua secrète et cachée pendant de longues années. Marie ne cherchait point de sympathie, elle ne se plaignait pas, elle était aussi tranquille que le ciel, lorsque les cantiques des anges cessent de s'y faire entendre. Quelle vie que celle qui commence par un brisement de cœur! Telle devait être celle de la Mère de Dieu, et la cause en était dans une étroite union avec Jésus. Le cœur brisé toute sa vie. Et qu'est-ce que la vie? Que représente ce mot? Quelle étendue d'expériences variées, quelle multitude de pensées, quelle foule d'actions compliquées, quelle accablante continuité, quel cercle fatigant des quatre saisons, quelle rapide lenteur du temps, chaque chose si longue à venir. Et venant avant son temps. Et pour Marie, la vie avait une puissance intérieure, une largeur, une profondeur, une énergie si incomparable. Le cœur brisé toute la vie. Et qu'est-ce qu'un cœur brisé? Cela n'est pas fort commun. Mais nous pouvons dire ce qu'est un cœur souffrant ou un cœur blessé. Nous avons même continué à vivre quand notre cœur a été écrasé une fois. Ce ne fut qu'une souffrance momentanée, la roue de la vie passa par-dessus, et tout fut fini. Cependant survivre à cette douleur nous parut un sensible miracle. Mais qu'est-ce qu'un cœur brisé? Et une vie avec un cœur brisé pendant toute sa durée, presque depuis le commencement. Marie, vous êtes la Mère de Dieu. C'est pourquoi vous le savez. Mais si nous considérons attentivement la première douleur, nous verrons qu'elle contient cinq douleurs distinctes, cinq plaies séparées. D'abord dans l'offrande que Marie avait faite à Dieu, elle avait offert Jésus à la mort, de sa libre et propre volonté. Étrange effet de la grandeur de l'amour d'une mère. Cependant c'était par amour qu'elle avait fait cette offrande. C'est par amour pour Dieu, par l'amour le plus saint, le plus pur, le plus désintéressé. Car celui qui était son fils était Dieu aussi, et celui qui était Dieu était aussi la victime. Mais avait-elle pu prévoir tout ce qui était renfermé dans cette offrande? Oui, assurément, elle avait tout prévu. Rien ne lui avait échappé. Nul acte ne pouvait être plus intelligent ni mieux mûri que celui de l'offrande que Marie avait faite. Et quand de longues années d'une douleur accablante vinrent en outre ajouter leur poids sur son cœur brisé, la pensée seule de renoncer à son sacrifice eût semblé à Marie pire que le calvaire, car c'eût été une infidélité envers celui qu'elle adorait si tendrement. Mais elle avait donné son fils, elle l'avait livré à la mort. Elle l'avait possédé pendant 9 mois. Il n'y eut jamais de créature si riche ni plus comblée de tant de bénédictions. C'est alors que l'une de ses premières pensées avait été de porter son fils, au-delà des montagnes de Juda, à Élisabeth et à Jean. Pendant ce temps-là, elle désirait voir le visage de son enfant, contempler la lumière de ses yeux, entendre le son de sa voix enfantine, l'entourer de ses bras et presser son trésor, le trésor du monde, le trésor du Père, sur son sein. Elle était sa mère humaine, et son cœur était la plus exquise humanité. Puis elle s'était éveillée de son extase, et Jésus était là couché sur le sol, dans la nuit de Noël, et étendant ses petites mains vers elle comme si ses bras étaient sa demeure, et il l'était en effet. Il n'y avait que 40 jours qu'elle le possédait. Son amour maternel ne commençait pas encore à se rassasier, quoique pendant tout ce temps il se fût nourri des perfections de Jésus. Il s'en fallait même plus, pour que cet amour fût satisfait, que lorsqu'elle avait vu son fils pour la première fois. 40 jours, pas seulement 1000 heures, s'étaient écoulées, et voilà qu'elle le donnait, qu'elle le livrait à la mort, et le glaive de Siméon était entré profondément dans son cœur pour lui montrer quel abîme se trouverait désormais placé entre elle et Jésus. Elle ne pouvait plus le posséder tranquillement. Elle ne pouvait empêcher la passion. Jésus appartenait au pécheur, il appartenait à la colère de son Père, il était une victime qu'elle avait à garder jusqu'à ce que l'heure du sacrifice fût venue. Quel office à remplir pour une mère! C'est là ce qui résultait pour Marie de sa qualité de mère de Dieu. Mais si Marie avait ainsi abandonné Jésus à la cruauté de sa divine mission, elle pouvait d'autant moins supporter les contradictions des autres à l'honneur de son fils, à son bonheur ou à sa doctrine. Siméon avait parlé de contradiction. Quoi, le monde entier ne sera-t-il pas à ses pieds? S'il doit mourir, puisque Dieu a décrété que sans effusion de sang il n'y aurait point de rémission des péchés, au moins jusqu'à l'heure de sa mort les hommes se suspendront à ses lèvres, le suivront partout où il ira pour se nourrir de ses paroles divines. Les pécheurs se convertiront partout. Les jours des saints et la terre promise reviendront pour le peuple choisi. Et quand il aura expiré sur la croix, le monde entier se hâtera de confesser sa royauté et viendra en foule dans l'église qu'il aura fondée. Non, il ne devait pas en être ainsi, elle le savait. Mais qui avait-il donc à contredire en Jésus? Il était la beauté, il était la vérité, il était l'amour, il était la douceur même. Qui voudrait être irrespectueux envers lui? Qui voudrait contredire la vérité éternelle? Or, Marie voyait que tout cela allait arriver. Jésus le lui avait montré en lui-même, lorsqu'il lui avait dévoilé les secrets de son âme. Depuis cette heure jusqu'au jour où il accomplit ses destinées, il n'y eut pas un sombre regard jeté sur l'adorable visage de Jésus, pas une froide parole, pas un malentendu volontaire, pas une brusque réplique à une familiarité inconvenante, pas une raillerie respectueuse, pas une cruelle imprécation, pas un affreux blasphème, qui ne pénétrasse jusqu'au cœur de Marie et ne lui fisse éprouver la plus poignante douleur. Les cris et les hurlements que faisait entendre à Jérusalem la multitude altérée du sang de Jésus, retentissaient nuit et jour dans le cœur maternel de Marie. Ce devait être là les prémices de cette magnifique oblation qui eut pour effet d'élever Marie à des hauteurs presque divines. Les hommes ne voulurent pas apprécier cette oblation. Ils ne voulurent pas la comprendre. Ils la dédaignèrent, la raillèrent, la contredirent, la traitèrent avec cruauté. Personne ne l'a encore comprise, soit dans le ciel, soit sur la terre, excepté le Père éternel, à qui Marie la fit. Lui seul connut le prix de ce qu'elle donna, le prix de Jésus, du Verbe incarné. Le connaissons-nous? C'est impossible, car si nous le connaissions, notre vie ne serait pas ce qu'elle est. Il y a une science que la pratique suit toujours, c'est la science qui connaît par la sainteté, et non pas seulement par l'emploi de l'intelligence. Hélas, pauvre mère, son cœur n'offre plus que des blessures, dont l'une s'ouvre dans l'autre, des blessures qui doivent durer toute sa vie, et qui, comme les stigmates des saints, saignent sans jamais s'envenimer. Ceux qui contredisent Jésus apprendront, sans doute, à la fin, à reconnaître la grandeur de leur erreur. Ils reviendront à lui comme des brebis égarées qui retournent au bercail. Ils seront un jour eux-mêmes le triomphe de sa grâce rédemptrice. De Jésus émane la grâce, la douceur, les attraits et la guérison. Sa beauté, enfin reconnue, enveloppera comme d'un charme ceux qui le contredisaient. Ainsi la souffrance causée par toute cette contradiction peut être supportable. Mais non, le glaive de Siméon, comme l'épée du chérubin qui garde l'entrée du paradis terrestre, lance des flammes et se tourne çà et là, placée pour être une occasion de chute pour plusieurs, pour leur chute complète, leur perte irréparable. Jésus doit-il perdre à jamais quelqu'une de ses propres créatures? Doit-il même les éloigner de lui par l'éclat de sa lumière, par la divinité même de sa beauté? Doit-il exister des âmes pour lesquelles il eût mieux valu qu'il ne fût jamais venu, pensée cruelle, la plus cruelle de toutes? Plus Marie méditait sur la passion, plus longtemps elle l'avait présente tout entière à ses regards, plus aussi elle convoitait les âmes avec une tendre avarice, plus elle avait faim et soif de la moisson de la passion, et elle devint la mère des pécheurs parce qu'elle était la mère du Sauveur. La mère qui le céda volontairement à la mort après l'avoir possédé seulement pendant 40 jours à Bethléem. La pensée de la multitude innombrable de ceux qui devaient être sauvés, était celle qui ressemblait le plus à un allègement à la douleur sans consolation qu'éprouvait Marie. Mais elle ne devait pas même s'appuyer sur ce semblant de consolation. Oh, il était terrible pour Marie de penser que son enfant si beau devait en un certain sens devenir un exterminateur, qu'il ne devait pas être seulement un sauveur, mais une loi de vie qui serait une sentence de mort pour quelques-uns, et même pour un grand nombre. Entre Dieu et le monde qu'il avait créé, il y avait une grave affaire d'engager. Jésus était une pierre de touche. Les hommes avaient à opter pour l'un ou l'autre parti, d'une manière plus distincte, plus intelligente. Dieu était fatigué de leurs péchés, fatigué d'attendre qu'ils revinssent vers lui. La grandeur même de cette dernière miséricorde annoncée depuis si longtemps par le prophète, en rendait le mépris plus fatal et plus irréparable. Le salut des hommes allait alors acquérir, à certains égards, plus de ressemblance avec celui des anges, leur épreuve devenait plus divine, et par conséquent plus décisive. Rejeter Jésus, c'était se perdre éternellement, et cependant le rejeter des hommes était un des noms même que l'Écriture lui donnait. Si quelque chose eût pu être difficile pour la foi de Marie, c'eût été le fait que Jésus devait être la ruine de tant d'âmes, sa foi, en acceptant héroïquement cette adorable vérité, en rendait le tranchant plus affilé, et la pointe plus acérée, afin qu'elle pénétrât plus profondément dans son cœur. À cause de notre nature imparfaite, une impression que nous recevons dans notre esprit en affaiblit une autre. Nous ne pouvons nous occuper de plusieurs choses à la fois. Les chagrins même, lorsqu'ils arrivent en foule, se neutralisent les uns les autres jusqu'à un certain point. Les grandes afflictions nous absorbent, et si alors de petites peines nous arrivent, elles ne se font guère plus sentir à nous que les gouttes d'une pluie d'orage. Nous avons la conscience de leur présence. Mais la souffrance qu'elles nous causent est à peine distincte. Il n'en était pas ainsi chez Marie. Avec les perfections de sa nature non déchue, elle se possédait complètement elle-même, et embrassait tout à la fois. Il n'y avait dans son esprit aucune confusion, parce qu'il n'y avait aucun manque d'équilibre. Son esprit recevait, appréciait et transmettait distinctement les nuances de douleur les plus délicates et les plus multiples, à son exquise sensibilité. Et il en était ainsi lors de la prophétie de Siméon. La malédiction encourue par la terre natale de Marie, pour avoir rejeté Jésus, était un chagrin distinct et amer. Toutes les gloires de l'histoire passée de la Judée, depuis l'Exode jusqu'au Machabée, s'élevaient dans l'esprit de Marie. Son cœur se gonflait à la pensée des vicissitudes tantôt tristes, tantôt glorieuses de son peuple. Elle songeait au tombeau des saints et des prophètes parsemés sur les collines. Son œil traversait les champs de bataille, où l'épée de l'homme avait vengé si souvent la majesté de Dieu. C'était la terre promise, pleine de variété et de beauté, qu'éclairait, à l'exclusion de toute autre terre, la lumière brillante du choix mystérieux de Dieu. C'était l'Orient sacré s'avançant jusqu'au rivage de la mer, et faisant face à ce grand Occident qu'il devait d'abord convertir, puis civiliser, et enfin glorifier. Ce n'était pas un simple sentiment de patriotisme qui agitait le cœur de Marie. Ce pays était le séjour terrestre de la vérité céleste. Lorsque le reste du monde était étendu à l'ombre glaciale des ténèbres spirituelles, elle ressemblait plutôt à un sanctuaire qu'à une région de la géographie de la Terre. Il s'y trouvait à peine une montagne qui n'eût été témoin de quelque miracle, à peine une vallée à laquelle quelque promesse ne fût attachée. Aux rives de son fleuve, au rivage de sa mer intérieure, flottaient suspendus des nuages de poésie sacrée. Un véritable réseau de prophéties s'étendait sur tout le pays, sur toutes les localités de ces diverses tribus, dont les vertus et les fautes n'étaient pas étrangères à la géographie des régions qui leur avaient été départies. L'aspect particulier du pays était la source des images de la Sainte Écriture, et allait bientôt devenir quelque chose de plus, à cause de l'enseignement de Jésus. Et puis, il y avait Jérusalem. Le Dieu grand, lui-même, aimait cette cité, il l'aimait presque comme s'il eût été un homme, d'une affection humaine. Il la chérissait dans son cœur, avec autant de tendresse et d'ardeur qu'aucun hébreu méditant sur elle sous les saules qui bordaient le fleuve de Babylone. Du sommet de la montagne des Oliviers, Jésus pleura sur Jérusalem, comme si son cœur allait se rompre. Malheureuse cité! Belle cité, elle était le trophée de tant de miséricorde, de tant de tendresse divine, de tant de victoire de l'amour divin. Elle était le tabernacle de la gloire visible du Très-Haut. Les doux parfums des sacrifices s'y élevaient sans cesse. Et alors, le sang adorable de Jésus allait y apporter la désolation, et les flammes des Romains et les ravages du temps allaient presque faire disparaître jusqu'aux vestiges de ces lieux saints. Ce qui faisait pleurer Jésus, ce qui lui faisait éprouver les sentiments d'une mère qui voudrait abriter ses petits sous ses ailes, doit avoir été pour Marie la source de la plus extrême affliction. Le glaive de Siméon n'avait pas même oublié ces circonstances. Douce mère, votre fils et vous-même vous devez causer la perte de Judas, la contrée choisie, si longtemps éprouvée, les délices du monde. Vous qui ne devez être rien que l'heureux canal de l'amour de Dieu pour la terre, il faut vous résigner à être également un instrument de sa colère. Vous aussi, ô mère de miséricorde, n'êtes-vous pas, même jusqu'à ce jour, établi pour la ruine de plusieurs, tant dans l'ancien Israël que dans le nouveau? À la volonté de Dieu est douce, même lorsqu'elle est terrible dans ses conseils sur les enfants des hommes. Ce portrait de Jésus, et des conséquences de sa venue, n'était pas tout à fait tel qu'une mère l'aurait désiré, si la nature avait été chargée de le peindre. Le soleil aurait été sans nuages, les ombres du paysage devaient-elles être si sombres, si multipliées? Autour de l'enfant Jésus, que devait-il y avoir, si ce n'est la lumière et la joie, une miséricorde sans mélange, une paix continuelle, les dernières ombres de la nuit dissipées et glorieusement fondues en nuances dorées dans le soleil levant? Il vient avec l'unique intention d'aimer, et voilà que la conséquence immédiate de sa venue est la contradiction qui se termine par la perte éternelle de plusieurs âmes, la dévastation de sa patrie terrestre, et la dispersion de son peuple choisi. Mais si Marie avait eu besoin d'enseignement, le sang des saints innocents lui aurait servi de leçon pour lui montrer à quoi doivent s'attendre ceux qui s'approchent de Jésus, et dans quelles lois obscures et mystérieuses ils sont enveloppés. Maintenant, du moins, si la venue de Jésus ne doit pas accumuler exclusivement la louange et l'adoration pour l'unique attribut de la clémence divine, la justice de Dieu y trouvera sa gloire. En tout cas, toutes choses seront pour la grande, la plus grande, la très grande gloire de Dieu. Oui, assurément, mais non entièrement, comme on aurait pu s'y attendre. La mission de Jésus était une possibilité infinie de gloire pour Dieu, mais ce qu'elle avait d'infini s'arrêtait à la possibilité. Dieu ne devait obtenir que l'ombre du tribut de gloire qui lui était dû pour avoir envoyé son Fils. La volonté des hommes devait réussir à l'en frustrer de toute manière. Leur malice devait avoir un tel effet, qu'il y aurait en réalité une apparence d'insuccès dans tout le plan de la rédemption. Dans un temps à venir, il serait possible aux théologiens de parler comme si la rédemption de Marie, dans l'Immaculée Conception, était la grande œuvre, l'œuvre au moins suffisante de la grâce de la rédemption. La douceur même, l'humilité et la facilité de Jésus à pardonner, seraient comme des pierres d'achoppement dans le chemin de la gloire de son Père. Bien plus, les choses mêmes qui, parce qu'elles étaient si divines, auraient dû produire le plus de fruits pour la gloire de Dieu, deviendront l'occasion d'un plus grand outrage à la divine majesté, que les pécheurs n'auraient pu en commettre sans l'incarnation. Hélas, comme les ténèbres s'épaississent autour du berceau même de l'enfant. Par une étrange combinaison qui paraît contre nature, Noël est absorbé par le temps de la passion, mère infortunée, voici 5 plaies en une seule. Vous avez offert votre fils à la mort, son apparition sera le signal de contradictions sans nombre qui s'élèveront contre lui, il est établi pour la ruine totale de plusieurs, à cause de lui, la contrée et le peuple seront maudits. Il rendra les hommes capables de profaner la gloire de Dieu plus que toutes les générations ne l'ont fait auparavant. Malheureuse mère, de quel côté tournerez-vous vos regards? Jésus lui-même, enfant, a autour de son cœur la couronne d'épines qu'on doit voir un jour sur sa tête, est-elle moins cruelle sur le cœur que sur la tête? Quant aux pécheurs, Leur salut ne doit pas être assez universel pour former quelque compensation à tant de douleurs. Quant à Dieu, il s'en faut de beaucoup qu'il y ait un libre essor à sa gloire, il obtient une grande gloire, sans doute, mais aussi, il y a une impiété inouïe qui trouve ses voies et ses moyens dans l'excès même de l'amour paternel du Créateur. Telles furent les particularités de la première douleur. Il n'est pas nécessaire de parler longuement sur les dispositions avec lesquelles Marie l'endura. D'une part, on s'en est déjà fait une idée par ce qui a été dit précédemment. De l'autre, plusieurs d'entre elles sont tellement au-dessus de notre compréhension, si difficiles à distinguer au milieu de l'éclat éblouissant de la beauté intérieure de la fille du roi, que nous ne savons qu'en dire. On pourrait écrire un livre sur la beauté intérieure de Marie, et, dans les jours présents, il aurait grand besoin d'être écrit. En attendant, nous nous arrêterons à trois grâces que la Sainte Vierge mit en œuvre à un degré héroïque dans cette première douleur. La première consistait en ce que Marie reconnaissait, d'une manière pratique, la souveraineté de Dieu. On ne peut douter que ce ne soit là l'idée fondamentale de tout culte. Il n'y a point à faire des conditions avec Dieu. Les obligations sont toutes d'un même côté. C'est lorsque notre soumission est complète que notre liberté est parfaite. Dieu est le maître. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a pas à mettre en doute la justice ni la bonté. L'essence de la sainteté consiste à reconnaître avec enthousiasme cette souveraineté. Notre prérogative est dans notre responsabilité. C'est par là que nos cœurs se remplissent d'un amour sublime pour Dieu. Lorsque le soleil brille, il est comparativement aisé de parler de la sorte, et même de s'imaginer qu'on le croit. Mais, lorsque les ténèbres s'accumulent, que les chagrins ne nous laissent pas de répit, que les portes du ciel semblent fermées aux prières, que l'injustice humaine fait de nous ses victimes, que la méchanceté humaine nous foule aux pieds quand nous sommes tombés, que l'amour humain nous trahit, et que la face de Dieu se détourne de nous, alors il est difficile de reconnaître la souveraineté absolue de Dieu dans son imposante irresponsabilité. Il est difficile de le faire de tout notre cœur et avec une noble constance, sans désir de déchirer le voile qui couvre ses raisons mystérieuses, sans l'ombre d'envie de détourner quelque peu la main qui semble s'appesantir si cruellement sur nous. Nous tenons tout de Dieu, qui ne le sait? Tout bien vient de lui, tout bien doit aller à lui. Sa gloire est la seule signification de tout bien, sa volonté est la loi, et la seule loi. Les lois qui sont éternelles le sont parce que celui dont elles émanent est éternel. Elles le manifestent sans l'obliger. C'est la nature des choses, comme nous la disons or, cette nature des choses, qu'est-elle, si ce n'est le caractère de Dieu? Tout cela est très clair, quand la lumière est là. Heureuses les natures pour lesquelles, pendant toute la vie, un rayon de soleil illumine cette grande vérité de la souveraineté de Dieu. Mais écoutez les cris d'angoisse de Job, ces cris qui font encore retentir les rochers d'Édom, pour que le monde entier les entende. À côté de la patience sublime et des cris de douleur résignés de cet homme que Dieu nous a donné comme un type de sainteté, placez la silencieuse patience de la mère de Dieu, son cœur paisible, s'enrichissant de gloire et de beauté, et presque béatifié par un sentiment extatique de la souveraineté suprême de Dieu. Parmi les créatures, il ne peut y avoir de magnificence égale à la perfection de l'obéissance. L'homme Dieu était si épris de la beauté de l'obéissance, qu'il s'y attacha pendant 30 ans. Et s'en réserva à peine 3 pour sauver le monde, même pour accomplir cette œuvre, il ne fit que changer la forme de son obéissance. Et ce vieux monde pervers, pourquoi chancelle-t-il ainsi et devient-il comme fatigué de lui-même, si ce n'est à cause du manque de cet esprit de soumission dans lequel, seul, consiste la béatitude terrestre? Par cette douleur, la Sainte Vierge entra parfaitement dans tous les desseins de Dieu sur Jésus, sur elle-même et sur nous. Dans les livres de spiritualité, on nous dit souvent que nous devons entrer dans les desseins de Dieu sur nous, ou nous conformer aux dispositions intérieures de Jésus. Depuis le XVIIe siècle, ce langage est devenu universel chez les écrivains spirituels, qui exprime ainsi une vérité ancienne sous une forme nouvelle, une forme adaptée au changement qui s'est opéré dans l'esprit moderne. Tâchons de fixer un sens précis à ce langage. Chacun a une certaine manière de considérer les choses, surtout celles qui le concernent. Chacun a un point de vue particulier. C'est là la raison pour laquelle les hommes peuvent si rarement s'accorder parfaitement sur les choses les plus ordinaires, à peine le peuvent-ils sur les faits mêmes. Cela montre combien ce point de vue particulier est intime et personnel à chaque individu, et combien il sert à fixer, et, pour ainsi dire, à stéréotyper son caractère. Or, ce point de vue naît d'une foule de causes, des dispositions personnelles, de celles des parents, des impressions d'enfance, des circonstances locales et des souvenirs de jeunesse, et surtout de l'éducation. Presque chaque famille, chaque maison, a un caractère qui lui est propre, et qui n'est jamais mieux reconnu et apprécié que par autrui. La même chose est vraie des communautés religieuses, des grandes villes, et, enfin, des nations mêmes. Nous reconnaîtrons que, pour la plupart du temps, les faiblesses et l'indignité de notre caractère se fortifient par cette particularité. Il y a nécessairement de la petitesse dans tout esprit particulier, que ce soit un esprit de famille, un esprit de parti, un esprit de communauté ou un esprit national. Lorsqu'il s'agit de l'individu, il y a même nécessairement de l'égoïsme. C'est de notre point de vue que nous sommes capables de nous former une idée exagérée de nous-mêmes, c'est lui qui a fermé notre vanité et nous l'a fait regarder comme raisonnable et juste. C'est lui qui est la mesure au moyen de laquelle nous jugeons les autres. C'est de lui que viennent tous les malentendus. Il est donc évident que, dans l'œuvre de la vie spirituelle, cette forteresse doit, sinon être détruite, et la destruction est une œuvre rare dans la sainteté, mais du moins être prise, saccagée, et munie d'une nouvelle garnison. Comment cela se doit-il faire? Détournons nos regards de nous-mêmes pour les tourner vers Dieu. Dieu a aussi son point de vue qui, en lui, est essentiellement vrai. Il a sa vue du monde, des vicissitudes de l'Église, de certaines maximes de vie, des vocations, des devoirs, des péchés. Il destine chacun de nous à une œuvre particulière, et il nous donne le nombre et le genre de grâces nécessaires pour nous rendre capables d'accomplir cette œuvre. Il nous donne la lumière jusqu'à un certain point, et non au-delà, la grâce en une certaine mesure, et non davantage. Il nous la donne d'une certaine sorte, et non d'une autre. Il a sur nous ses desseins, qui se rapportent tant à notre caractère naturel qu'à notre correspondance surnaturelle à la grâce divine. Il a des desseins particuliers touchant notre sainteté. C'est là le fondement sur lequel repose toute direction spirituelle. Il est pour nous d'une immense importance de savoir ce que sont les desseins particuliers de Dieu, qui sont surtout visibles dans les opérations de la grâce sur nos âmes. Mais nous ne pouvons voir nous-mêmes ces opérations ni en porter un jugement sûr ou du moins définitif, à cause du trouble, de la confusion que cause notre amour-propre. C'est pourquoi nous nous plaçons sous la conduite des hommes qui, à cause de leur caractère sacerdotal, ont en eux un don particulier, et qui, pour obtenir la lumière, adressent à Dieu des prières auxquelles il répond d'une manière spéciale, afin de les aider dans leur responsabilité de récompenser notre obéissance. Nous pouvons reconnaître immédiatement plusieurs des desseins de Dieu sur nous, les plus importants, parce qu'ils sont généraux et qu'ils résultent de ce qu'il est Dieu. Lorsque nous sommes parvenus à les connaître, le premier pas à faire est d'entrer en eux, c'est-à-dire de bannir de notre esprit les dispositions qui ont rapport pour les remplacer par celles qui viennent de Dieu. Cela ne se fait pas tout d'un coup, mais par degrés, d'abord dans une chose, puis dans une autre, et nous arrivons ainsi à voir les choses du point de vue de Dieu. Nous les regardons de son point de vue, oubliant ou dédaignant le nôtre. Ce sont les intérêts de Dieu, ou les principes surnaturels qu'il nous a inculqués, ou les révélations qu'il nous a faites de sa volonté qui règlent ce point de vue, et non nos affections et nos répugnances, et non nos goûts naturels ou notre caractère acquis. Cela nous émancipe des petitesses de famille, des petitesses de communauté, des petitesses nationales, et surtout des petitesses personnelles. Cette œuvre n'implique rien moins qu'une complète révolution intérieure. Elle crée le nouvel homme, elle est la ressemblance de Jésus, elle est la mort mystique de nous-mêmes. Mais nous passons par des temps de lutte terrible avant d'atteindre au but. C'est une transformation longue et difficile, qui se fait au milieu de bien des écarts, bien des accès rétrogrades, bien des moments d'engourdissement et de lâcheté. Il faut passer par des souffrances aiguës et excessives, car c'est une opération qui atteint notre nature jusqu'au vif. En Marie, cette opération déifiante fut complète. Elle était due à ses grâces immenses, ainsi qu'à la proximité perpétuelle de Jésus. La prophétie de Saint Siméon, sans manifester pour la première fois à la Sainte Mère l'ensemble des desseins de Dieu à l'égard de Jésus, d'elle-même et de nous autres pécheurs, le présenta cependant d'une manière formelle à son acceptation. Comme elle avait été appelée formellement à donner son consentement à l'incarnation, de même, elle était alors appelée d'une manière positive à entrer dans ses desseins de Dieu, à en faire les siens propres, et à se les adapter par une sainteté héroïque. Nous avons déjà vu que ses desseins n'étaient nullement tels que le cœur d'une mère dut naturellement les désirer. Ils entraînaient de terribles sacrifices, ils élevaient à des hauteurs où la simple humanité pouvait à peine respirer, il plongeait dans des océans de douleurs surnaturelles, il y a même, dans la souffrance de cette première douleur, quelque chose que nous oserions presque appeler contre nature, non seulement à cause de la relation dans laquelle elle place la mère à l'égard du fils, mais encore à cause de la parfaite à la libre volonté de la mère. Marie entra héroïquement, dans ses desseins de Dieu, avec la plus parfaite intelligence qu'une créature en pût avoir. Un vaisseau ne peut entrer à pleine voile dans le port avec plus de dignité calme ni plus de grâce irrésistible, que Marie ne passa de la nature, de la terre et d'elle-même, dans le sein profond de son Père céleste. La troisième disposition que nous remarquerons dans la générosité de Marie est l'acceptation de cette douleur. Quand il s'agit de nous, la générosité dans les choses spirituelles doit souvent se mesurer par le degré de répugnance et de lutte à travers lesquelles la vertu s'est ouvert un passage. Mais il n'en fut pas de même de la Sainte Vierge, comme il en est de notre générosité naturelle, ainsi en était-il de sa générosité surnaturelle, d'autant plus gracieuse qu'elle naissait sans effort, sans douleur d'enfantement, de l'abondance de son cœur. Tout venait spontanément, sans délai ni calcul. Il n'y avait pas de combat à soutenir, car où serait le combat dans une nature aussi soumise à la grâce dans ses replis les plus secrets que l'était celle de Marie? En conséquence de la grandeur de la grâce, ce qui était surnaturel lui venait aussi facilement que ce qui nous est naturel, or, c'est dans cette promptitude instantanée, qui se fait à peine apercevoir, que consistent les charmes de la générosité parmi nous. La souffrance et la répugnance sont deux idées différentes. Marie souffrit extrêmement, mais il n'y eut pas de rébellion dans sa nature inférieure. Il eût pu y en avoir, mais il n'y en eut pas. Une telle rébellion eût été incompatible avec la grandeur de son union avec Dieu. Ce qui eut lieu en notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani n'a rien qu'on puisse y comparer chez sa mère. Elle n'avait pas à boire le calice du péché ni le calice de la colère du Père, mais seulement une coupe d'amertume que Jésus lui présentait aux lèvres pour toujours. Pouvait-elle lutter avec lui, même pendant un instant? Pouvait-il y avoir la moindre atteinte à la conformité de Marie avec la volonté de Jésus, lorsqu'il était lui-même son échanson? Dans son agonie au jardin des Oliviers, nous devons supposer une sorte de séquestration de la nature divine, du moins en ce qui concerne ses principaux effets sur la nature humaine qui lui était unie. Bien plus, nous devons supposer comme une désertion miraculeuse de la portion inférieure de la nature humaine de Jésus, par ses facultés humaines les plus élevées, afin qu'il pût arriver à ce conflit prodigieux qui eut lieu dans son âme sainte, à cette rébellion apparente et momentanée cependant extrêmement mystérieuse, de sa volonté inférieure contre sa volonté supérieure. Mais, à coup sûr, cela est un caractère particulier de Jésus. C'est une partie du salut du monde. C'est en Jésus une sublimité dont Marie n'est pas capable sans abaissement. Cette particularité se rapporte au péché et à la justice irritée du Père. C'était la révolte de la pureté de Jésus contre tout ce qu'avaient de répugnant les iniquités sans nombre dont il allait se revêtir. C'était le point culminant de la magnificence de son sacrifice. En Marie, c'eût été simplement la déchéance passagère de sa sainteté consommée, sans la sainteté ni la dignité de la rédemption. Nous ne pouvons donc l'admettre pour un seul instant. La tranquillité de Marie en eût été troublée. L'intégrité de sa nature parfaite en eût été pour ainsi dire désunie. Et, en même temps qu'il y eut eu plus de la femme dans la mère sublime de Dieu, Marie fut descendue à un niveau moins élevé et eût ressemblé davantage à l'un des saints. La volonté de Marie, qui avait paru un moment dans le mystère de l'incarnation, s'abîma ensuite dans les profondeurs de la volonté de Dieu et ne reparut plus jamais. Au milieu de la mer, au sein d'un calme profond, une vague, s'élevant de la surface des ondes qui s'agitent, se couronne d'une nuance argentée, est éclairée par la lumière, puis retombe silencieusement dans l'abîme, sans laisser aucune trace, aucun vestige. Il en fut ainsi de la volonté de la Sainte Vierge. Dans l'Annonciation, Dieu avait évoqué cette volonté qui, après avoir brillé un moment, se retira de nouveau en lui et ne reparut plus. Pour celle qui voyait Dieu souvent, qui était plus unie avec lui qu'aucun saint ou aucun ange ne le fut jamais, qui avait plus de grâce que tout le reste du monde, qui était plus glorieuse que les bienheureux dans leur gloire, qui n'avait pas de volonté séparée de celle de Dieu, pouvait-il en être autrement? Non. La générosité de notre Sainte Mère consistait dans la promptitude spontanée et dans le calme parfait de sa conformité à la douce volonté de Dieu. Elle qui, dans l'incarnation, avait donné sans effort tout ce que Dieu lui avait demandé, donna aussi sans effort tout ce qui résultait de ce premier consentement. Mais considérons maintenant les leçons que cette première douleur nous enseigne. Elle fut un malheur de toute sa vie. Même dans un monde déchu, le malheur n'est pas exempt de mystère. Il ne devrait véritablement pas y avoir de malheur, car le monde entier n'est-il pas partout plein de Dieu, et le malheur peut-il exister près de Dieu? Si nous considérions avec bienveillance ceux qui nous entourent, combien de bonté reconnaîtrions-nous en eux? Le péché est facilement pardonné à ceux qui s'en repentent sincèrement. La grâce est donnée avec prodigalité. Il existe aussi une somme presque incroyable de véritable joie, et la peine et la souffrance se changent promptement en sainteté. Malgré tout cela, le malheur du monde est réel. Sur la terre, presque chaque âme est un sanctuaire de secrète affliction. Chez quelques-uns, le chagrin est récent, chez d'autres, il est ancien, pour un nombre immense d'hommes, le malheur dure littéralement toute la vie, et il n'y a contre lui de refuge possible que par la porte de la mort. Chez quelques-uns, il vient de ce qu'ils ont d'abord embrassé une carrière qui ne leur convenait pas. Chez d'autres, il a pour cause la méchanceté, l'inconduite de ceux qu'ils aiment ou le défaut d'entente mutuelle. Dans d'autres cas, les hommes ont à supporter pour leur religion des souffrances qui, par suite de la cruauté d'autrui, durent jusqu'à la fin de leur vie. Il n'est pas rare que le malheur ait sa cause dans les caractères des hommes, dans leurs péchés, ou dans quelques conséquences qui en découlent. De temps à autre, il est le fardeau d'un cœur brisé, d'un cœur qui, ayant été chargé d'un poids trop pesant, s'est rompu, et a ainsi perdu son élasticité et le pouvoir de secouer loin de lui son chagrin. Le temps n'apporte pas de remède à une souffrance semblable. Le cœur brisé saigne dans la main du Père Céleste. Celui-ci le consolera, nul autre ne le pourrait faire. On est étonné de voir combien les consolations humaines sont superficielles. Les eaux brillent tellement au soleil, que nous ne voyons pas le fond sablonneux qui s'élève presque jusqu'à la surface. Nous le croyons situé profondément jusqu'à ce que nous ayons une fois essayé de puiser de l'eau, et que nous ayons alors appris ce qu'il en est, en tirant autant de sable que d'eau. Maintenant, comment agirons-nous en face de cette affliction de toute la vie? Des abîmes de sa première douleur, que Marie nous l'apprenne. Ces afflictions durèrent toute sa vie, ce fut là le caractère particulier dont les marqua la première douleur. Marie souffrit sans chercher de consolation, elle souffrit sans avoir besoin de s'appuyer sur la sympathie humaine, elle souffrit en silence, elle souffrit dans la joie. Mettons cela à part, non comme inimitable, car un temps viendra où nous serons capables d'imiter même de telles choses, mais mettons-la à part comme étant maintenant au-delà de notre portée. Mais Marie n'éprouve aucune souffrance qui ne soit unie à la passion de Jésus. Nous pouvons, dans une certaine mesure, rendre nos afflictions semblables aux siennes en les unissant aux douleurs de notre Seigneur. Si notre douleur vient du péché, à coup sûr elle ne peut ressembler à celle de Marie, mais elle peut être facilement, et d'une manière aussi agréable à Dieu, unie à la passion de notre Seigneur. Il n'en méprisera pas l'offrande. La mesure de nos chagrins ne doit pas même s'accroître par le fait qu'ils sont la conséquence du péché. Heureux sont ceux que le Père punit dans cette vie et traite comme ses fidèles enfants. Comme Marie, il faut que nous soyons aimants, doux et patients à l'égard de ceux qui nous causent quelques chagrins, et, versant des larmes sans chercher à les retenir et sans éprouver de honte, Il faut que nous posions notre tête sur le sein de notre Seigneur pour penser avec calme à Dieu et au ciel. Ce n'est pas une légère consolation pour ceux qui gémissent pendant toute leur vie, que de savoir que la Sainte Vierge a aussi gémi pendant toute sa vie. Prenons courage, regardons en face notre grande douleur, et disons-lui, « Vous avez résolu de ne point vous séparer de moi avant que je descende dans la tombe, soyez donc pour moi un second ange gardien, soyez une ombre de Dieu, qui empêche les rayons brûlants du monde de dessécher dans mon cœur les sources de la prière. » Chacun de nous, même quand il n'a pas une affliction qui dure toute sa vie, a un ange gardien de cette sorte. Nous pouvons ne pas avoir une seule affliction, mais plusieurs. Elles peuvent venir comme des sentinelles pour monter la garde l'une après l'autre, à mesure que se termine chaque veille de cette nuit terrestre. Le malheur ressemble à un monde caché et souterrain. Nous marchons dessus continuellement, sans le connaître, et nous paraissons désobligeants et indifférents les uns envers les autres, lorsque dans nos cœurs nous ne le sommes pas en effet. Quelle consolation c'est donc pour nous de songer que la vie de Jésus, ainsi que celle de Marie, fut une vie de malheur caché et incessant. C'est pourquoi nous pouvons chercher avec confiance la mère des douleurs, et la prier d'être la mère de notre douleur. Jésus a un amour spécial pour les malheureux. Le jour le plus long à un soir, le travail le plus rude à sa fin, et la peine la plus vive son repos éternel plein de contentement. Nous tirons encore une autre leçon de la première douleur de Marie, c'est que l'usage le plus élevé que l'on puisse faire des dons de Dieu est de les lui rendre. Rien ne nous appartient réellement en propre, si ce n'est notre péché. Dieu est jaloux de tout ce qui ressemble en nous à un sentiment de maître et de propriétaire, même touchant les dons de la nature, mais, à l'égard des dons de la grâce, cette jalousie est mille fois plus grande. Il faut que nous fassions de lui le dépositaire de ses propres dons, parce que nous ne savons pas en faire un usage convenable. Il faut que nous soyons comme les enfants qui prient leur père de garder les petits trésors qu'il leur a lui-même donnés. Agissons de même envers les dons de Dieu, ils sont plus à nous sous sa garde que sous la nôtre. Tout ce qui accroît notre sentiment de dépendance à l'égard de Dieu est doux, sûr, vrai, juste, et ce qu'il y a de meilleur pour nous. En outre, Dieu est la fin pour laquelle toutes choses nous ont été données. Rien de bon n'est destiné à rester avec nous, sous peine de perdre de sa qualité et de se gâter. Chaque créature est un canal par lequel les choses retrouvent leur chemin vers Dieu, aussi sûrement que le sang retrouve son chemin vers le cœur par des détours sans fin, et remplit ses fonctions sans s'arrêter nulle part. Ce qui rendrait le corps malade, mais en continuant à couler, et à couler rapidement pour l'animer et lui donner la vie. D'ailleurs, notre humilité est toujours en péril si nous retenons un don de Dieu, ne fût-ce même que pendant le temps nécessaire pour le regarder en face, l'aimer, et puis y penser avec plaisir lorsqu'il a disparu. Il faut que nous rapportions tout à Dieu. Voilà le secret pour être saint. La grâce vient, les tentations cèdent, de grandes choses se font, et l'amour est tout en joie. L'amour propre voudrait bien chanter sa partie, mais sa voix est étouffée par le bruit des louanges divines, qu'il se fâche et qu'il se taise, nous n'y faisons nulle attention. Mais pourrions-nous continuer toujours notre reconcert? Oui. Assurément, car les grâces nous arrivent sans cesse, elles sont sans fin comme la foule des rues, qui s'éclaircit quelquefois, mais qui ne disparaît jamais entièrement. Ainsi nous pourrions sans cesse louer Dieu et toujours lui renvoyer, après les avoir baisés avec humilité, les dons et les grâces qu'il nous avait envoyés. Outre cela, Dieu et ses dons sont deux choses tout à fait différentes. Il feint quelquefois de vouloir nous surprendre, afin d'éprouver notre amour. Il nous envoie quelques dons célestes et nous épie pour voir si nous en faisons notre bien suprême, si nous nous y reposons, non comme s'il nous appartenait ou même comme s'il appartenait à Dieu, mais plutôt comme si c'était Dieu même. Mais l'âme qui aime véritablement ne peut jamais tomber dans une telle méprise. Elle ne songe pas plus à rester sur un des dons les plus précieux de Dieu, pour se reposer, que l'on ne songe à prendre la vague mouvante de la mer pour se coucher et s'endormir. Il faut qu'une telle âme atteigne à Dieu, à rien en deçà. Elle ne cesse de lui rendre ses dons, comme si elle protestait continuellement que, tout nécessaires qu'ils sont, ils ne sont pas Dieu lui-même et ne peuvent le remplacer. Il y a encore une autre leçon à tirer de cette première douleur, c'est qu'en ce monde l'affliction est la récompense de la sainteté. Elle est pour les élus sur la terre ce que la vision béatifique est pour les saints dans le ciel, c'est-à-dire la présence même de Dieu, sa manifestation, sa récompense infaillible. Il ne faut donc pas nous étonner si de nouveaux efforts pour servir Dieu amènent à leur suite de nouvelles afflictions. Suivant les principes surnaturels de la vie spirituelle, il doit en être ainsi. Si nous sommes capables de les supporter, ces afflictions viendront tout d'abord. Si elles tardent, c'est le signe que Dieu mesure notre faiblesse. Nous ne devons pas craindre qu'elles soient disproportionnées à nos forces. Dieu ne frappe pas ses coups au hasard. Nos croix sont pesées scrupuleusement par la sagesse divine, l'amour divin les travaille, afin de les rendre moins rudes et plus légères. Mais nous ne pouvons avoir de bonheur réel dans la dévotion si nous sommes sans épreuve. Nous n'avons pas de preuve que Dieu nous accepte, pas de garantie contre les illusions. On sait que les étoiles sont toujours à la même place dans le ciel, mais, selon les états différents de l'atmosphère, elles semblent beaucoup plus éloignées qu'à d'autres moments, ou bien elles paraissent beaucoup plus rapprochées et ressemblent à des larmes de lumière prêtes à tomber sur la terre. Il en est ainsi de Dieu. La joie le fait paraître éloigné, tandis que l'affliction le rapproche et le fait comme habiter en nous. Lorsque les afflictions surviennent, nous sentons instinctivement leur liaison avec les grâces qui les ont précédées, de même que les tentations ont souvent en elles quelque chose qui nous rappelle les victoires passées. Elles arrivent l'une après l'autre, frappant des coups répétés sur nos pauvres cœurs d'un air si modeste et si céleste à la fois, que, sous leur déguisement transparent, il est aisé de reconnaître des anges. Lorsque nous les touchons, et même lorsque leur pointe acérée nous perce, nous sentons que nous tenons presque dans nos mains notre persévérance finale, tant elles sont des témoignages solides de notre adoption, tant il y a de grâce importante dans leur présence, et tant est grand l'héritage de grâce qu'elles nous laissent en nous quittant. Un cœur sans affliction est comme un monde sans révélation, il ne voit Dieu qu'à la faible lueur du crépuscule. De plus, il faut que notre affliction nous appartienne en propre. Il ne faut pas nous attendre à ce que d'autres que nous la comprennent. C'est une des conditions de la véritable affliction, qu'elle soit mal comprise. L'affliction est la chose la plus individuelle du monde. Nous ne devons donc nullement nous attendre à rencontrer une sympathie égale à ce que nous souffrons. Ce sera déjà beaucoup si elle est convenable, quoiqu'imparfaite. C'est une chose bien triste de s'être appuyé sur la sympathie, et de trouver que nous sommes trop pesants pour elle, quand nous avons tant de douleurs à porter. Il nous est alors bien difficile de nous relever, le cœur découragé s'affaisse sur lui-même. Il a épuisé ce qui lui restait de force en cherchant à atteindre le lieu de son repos. Et maintenant, que lui reste-t-il, qu'un abattement qui rouvre toutes ses blessures, et l'affligeante conviction que le chagrin lui est moins supportable qu'il ne l'était auparavant? Il vaut donc mieux garder nos afflictions aussi secrètes que nous le pouvons. Une sympathie inopportune nous irrite et nous fait pécher. Une sympathie insuffisante laisse le membre malade retomber rudement à terre. Le refus de sympathie excite en nous une espèce de désespoir qui éclate en plainte. Dieu sait tout, il y a dans cette pensée des volumes de consolation. Dieu dispose tout, de cette simple vérité émane assez de lumière pour éclairer toutes les ténèbres. Nos cœurs sont remplis d'anges lorsqu'ils sont pleins d'afflictions, qu'elles soient donc nos compagnes, et poursuivons notre route en souriant tout le jour et en répandant autour de nous une douceur telle qu'il n'est permis qu'aux affligés d'en répandre, et Dieu nous comprendra quand nous irons à lui. Qui saurait mieux consoler que ceux qui sont aussi affligés? Nous devons également nous attendre à ce qu'il en soit de nous. En quelque mesure, comme il en était de Marie, nos afflictions seront alimentées par nos joies mêmes. Dieu nous envoie les joies avant les afflictions pour préparer nos cœurs, mais les joies elles-mêmes renferment comme des prophéties d'affliction à venir. Ces terreurs saintes, ces pressentiments étranges, cette vague attente d'un mal qui s'approche, d'où vient qu'elle accompagne si souvent les joies? Si ce n'est qu'elle en sont les ombres? Et, en effet, c'est ordinairement le point lumineux de la vie qui en détermine la partie obscure. De toutes sortes de manières étranges, les joies se changent en chagrin, tantôt soudainement, tantôt graduellement. Quelquefois ce que nous attendions comme une joie arrive sous la forme d'un chagrin. Quelquefois la possession d'une joie change celle-ci en tristesse comme si elle avait été frappée de la baguette d'un enchanteur. D'autres fois, une joie qui avait été sans mélange jusqu'à la fin, nous laisse en partant le chagrin derrière elle, elle n'avait cessé de tenir ce chagrin caché sous son manteau, et nous ne l'y avions point soupçonné. Ou bien encore lorsqu'un chagrin est devenu plus calme, lorsque la nouveauté de son aiguillon semble usée par le temps, par la patience et par la distraction que nous apportent nos devoirs, une joie nous arrive et nous fait sourire à son entrée dans notre âme, mais une fois là, elle se rend aussitôt à la fontaine des douleurs, réveille les eaux qui donnaient, creuse la source plus avant et soulève la terre alentour pour faire couler plus abondamment les eaux amères. Il y a peu de personnes qui n'aient senti la peine renaître et se raviver ainsi par l'arrivée de la joie. Mais, à dire vrai, dans un monde où nous pouvons pécher, dans une lutte où nous perdons si souvent Dieu de vue, dans un séjour qui est plutôt un exil qu'une demeure, toutes les joies sont alliées aux afflictions, ce sont, pour ainsi dire, des afflictions en habit de fête. La joie, c'est la vie sous une forme qui ne lui appartient pas. La douleur, c'est la vie sans déguisement, c'est la vie sous sa forme véritable. Néanmoins, dans la douleur, il y a la plus vraie, la plus céleste de toutes les joies, parce qu'elle nous détache du monde et nous attire vers Dieu avec une autorité calme, persuasive et irrésistible. Le lever du soleil de la grâce dans l'âme est plein de nuages, de doutes et de présages incertains, malgré les éclats de la magnifique lumière qui éclaire de toutes parts ce ciel encore en désordre. Mais lorsque l'astre est monté jusqu'au sommet de sa course au milieu du jour, tous les nuages se sont fondus dans l'azur sans que l'on sache comment. Car changer les joies en affliction, c'est la tâche douce et sûre de la terre. Changer les afflictions en joie, c'est l'œuvre véritable du ciel et de cet auteur de la grâce qui est déjà le ciel sur la terre. Il se trouve encore une autre leçon dans la première douleur. D'une manière ou d'une autre, il faut que nous entrions tous dans cette douleur pendant la vie. Le caractère particulier de la douleur de Marie est que Jésus en fut la cause, mais cela n'est pas particulier à l'affliction de Marie. Jésus sera pour chacun de nous une cause de sainte douleur. Il y a sur la terre une foule de choses heureuses qu'il nous faut sacrifier pour Jésus, ou, si nous n'avons pas le courage de le faire, il aura la bienfaisante cruauté de nous les enlever. La persécution est un mot qui a beaucoup de signification, elle doit arriver infailliblement à chacun de ceux qui aiment notre Seigneur. Elle peut venir de la langue méchante des mondains, ou des soupçons, de la jalousie et des jugements de ceux que nous aimons. Dans le cercle paisible des affections de famille et sous le même toit, elle vient souvent de mains qui nous la rendent difficile à endurer, et à cause de la religion, il y a souvent bien de la misère là où un visiteur accidentel ne voit autre chose que l'édification d'un amour mutuel. A-t-on jamais laissé quelqu'un servir Jésus selon ses désirs? Il serait vain de l'espérer. Pour la femme, l'amour du mari s'y oppose. La mère arrache ses enfants des bras du Sauveur. Le père regarde d'un œil soupçonneux les droits de Dieu, et, jaloux du Créateur, il traite avec dureté un enfant qui, d'ailleurs, ne lui a jamais donné une heure de peine dans sa vie, et envers qui il n'avait jamais été sévère jusque-là. Le frère laisse s'affaiblir en lui la force de l'affection fraternelle, et apporte l'âpreté des jugements du monde dans le cercle sacré de la famille. Si Jésus ose mettre le doigt sur sa sœur misérable, misérable monde. Et ce sont toujours les bons qui sont les plus âpres en pareil cas. Pénétrons bien de ces pensées nos esprits et nos cœurs. En dehors de nous, outre cette inévitable persécution, notre Seigneur nous entourera d'épreuves et de croix, pour conserver notre grâce et pour l'augmenter. Plus nous l'aimerons, plus il en viendra en foule. Bien plus, notre amour pour Jésus nous entraîne souvent dans des afflictions, sans que nous sachions à peine comment. Il nous conduit presque dans des fautes, dans des imprudences dont nous nous aide à nous repentir. Tout à coup, surtout lorsque nous sommes fervents, le sol s'éboule sous nos pieds, nous tombons dans une fosse, et si nous regardons le passé, notre chute semble inexcusable, et cependant comment a-t-elle eu lieu? Et que se passe-t-il aussi dans l'âme? N'existe-t-il pas des peines dans l'amour? Ces peines ne sont-elles pas plus communes que les joies? Et puis il y a la peine encore plus grande de ne pas sentir notre amour, de sembler le perdre, de le sentir nous échapper pour toujours. Il y a aussi des épreuves intérieures, qui font souffrir une mort cruelle à notre amour propre, et une purification par le feu qui s'opère sur la partie la plus intime de notre âme et lui fait souffrir la plus douloureuse agonie. Il y a encore les maux dans lesquels l'amour de Jésus nous fait tomber en nous persuadant de renoncer au monde, d'éteindre toutes les lumières par lesquelles la terre avait réjoui nos cœurs, de rompre des liens, de fuir les affections, de nous livrer à une vie triste et pénible, et après nous avoir conduits là, il nous quitte. Dieu nous dérobe son visage, toute vue de l'autre monde nous est cachée, de même qu'au coucher d'un soleil d'automne, aussitôt que l'extrême bord de cet astre a disparu sous l'horizon, on voit, auprès des rivières, dans les vallées boisées, dans les pâturages où paissent les troupeaux, dans les prairies que les faucheurs viennent de laisser, s'élever comme par enchantement un épais brouillard blanc qui aveugle. Ainsi en est-il de l'âme, aussitôt que la face de Dieu a disparu, les péchés passent, lugubres fantômes, s'échappent des sépulcres où l'absolution les avait déposés. Les imperfections présentes, des tentations inconnues, l'impossibilité de la persévérance, tout cela s'élève en même temps, et enveloppe l'âme dans une désolation sombre et glaciale qu'aucun astre ne peut percer, Et c'est beaucoup alors si une faible lueur blanche nous dit que la lune brille quelque part. Qui ne connaît tout cela? Il n'y a pas à nous en troubler, elles ne sont pas sur nous maintenant, mais, soyons-en certains, elles reviendront dans leur temps. Ainsi Jésus est en nous une cause d'affliction. Il est en nous un signe qui doit être contredit, en nous il est établi pour l'élévation et la chute de plusieurs. Telles sont les leçons que nous donne la première douleur, et, comme l'affliction qu'elle renfermait, ce sont des leçons de toute la vie. Retournons maintenant avec Marie à Nazareth. Les anges pleins d'étonnement et de respect pour sa douleur accompagnent ses pas. Peut-être est-ce là leur première leçon dans la science profonde de la passion. Ainsi la mère portant son enfant continua sa route dans les rues de Sion, au-delà des collines, et à travers les vallons situés près des ruisseaux jusqu'à ce qu'elle arriva au verdoyant bassin de Nazareth. Et ils étaient tout l'un pour l'autre, et qui pourrait dire quel langage muet ils parlaient, quand le cœur de l'enfant battait contre le cœur de la mère, en douleur et en amour? Et chacun était plus cher à l'autre qu'auparavant, comme nous leur étions peut-être aussi plus chers nous-mêmes, car l'ombre du calvaire était déjà tombée sur la mère et sur le fils, et ils aimaient cette ombre, et c'était nous qui la répandions.